besoin de toi. Quelques gestes de mes doigts et sur cet écran devant moi, soudain te voilà si près de moi. Presque contre moi, si près de moi. Presque dans mes bras, dans tes yeux, je lis que tu me dis, je pense à toi, je sais bien, tu es si loin de moi, mais moi je te vois si près de moi. Presque contre moi, si près de moi. Presque dans mes bras, mes pensées, toutes éprises de toi, s'envolent loin de moi, ignorant la distance, elles te rejoignent. Toi, tu les reçois si près de toi. Même si c'est là-bas, si près de toi. C'est ce que je crois. Est-ce un rêve sur ton visage? À toi, par la magie de l'amour, je crois aussi, et là, si près de moi, tout contre moi, si près de moi, au creux de mes bras.